Alors, cours d'écoute anthropologique, le 12 mars 2016, deuxième partie. Alors, ce matin, je vous ai présenté un texte que j'ai présenté à Neuchâtel, qui était très explosif, etc. Mais bon, au-delà de l'anecdote que ce texte pouvait représenter, ce qui était important dans ce texte, c'était la nette différence qu'il faisait entre une logique de l'objet partiel et une logique du phallus. Alors, la logique de l'objet partiel, ce qu'elle a de particulier, c'est que non, en tout cas, je vous en parle après, là, de ça. Alors, cette différence entre l'objet partiel et le phallus, dans le texte, je l'avais retrouvé dans les différences entre l'univers de l'autochtone qui est en rapport avec la nature, dans un rapport différentiel avec la nature, et le moderne qui a un rapport énergétique avec la nature. Alors, l'autochtone, lui, il est à la recherche des essences qu'il peut trouver dans la nature. Il est en rapport avec cette immense variété de ce qu'il trouve dans la nature. Alors que le moderne qui va arriver, il va dire « moi je veux du pétrole », alors il va tout détruire pour aller chercher son pétrole. Donc il y a comme une différence importante. Entre le monde de l'objet partiel qui est extrêmement varié et le monde du phallus qui a une seule valence, c'est le phallus, et le phallus colore, si je puis dire, ou donne sa matérialité à l'ensemble des objets qu'il rencontre. C'est-à-dire qu'il fait perdre à tous ces objets leur singularité et les élève vers la généralité. Alors, à partir du moment où j'ai écrit ce texte, je me suis demandé, au fond, c'est un phénomène qui est forcément un phénomène naturel. Comment ce phénomène naturel a pu se passer ? Comment on a pu, de façon naturelle, passer de cet univers de l'enfant, de l'autochtone, de l'objet partiel, à l'univers du phallus, de la société, de l'énergie, mettons, même mais aussi de l'énergie sexuelle. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre naturellement ? C'est la question que je me suis posée. Et puis, je me suis assez rapidement rendu compte que la réponse n'était pas difficile à trouver, même si conceptuellement, il fallait comme un peu restructurer sa pensée pour admettre cette solution comme importante et intéressante. Supposons, par exemple, que... dans un milieu donné, il y a un rapport d'échange, un rapport de don et de contre-don d'objets quelconques, sans valeur unitaire, sans unité de valeur, sans monnaie. Donc les gens sont là, ils s'entredonnent des choses d'une façon un peu au hasard, mais bon, il y a toujours une petite règle sous-jacente à tout ça qui fait que tout tout le monde finit par rentrer dans ses frais au bout du compte. Hein, c'est... Mais chacun de ces objets, ils sont différents les uns des autres. C'est la définition du système. Tout est différent. Et puis tout à coup, pour une raison quelconque, il y a deux objets qui se ressemblent, qui sont identiques. Dans cet ensemble d'objets qui sont échangeables, il y a deux objets qui apparaissent comme identiques. Pour une raison X, ça peut être parce que, bon, dans cette région, il y a un animal qui est plus fréquent que les autres et qu'on peut chasser plus facilement que les autres. Ou bien, on est dans une zone où il y a beaucoup de coquillages. Alors, bon, ou bien, on est dans une zone où il y a beaucoup de roseaux et que les gens, ils aiment faire de la vannerie et qui font des paniers facilement. Hein? Alors, dans cette zone-là apparaît un objet qui est plus fréquent, qui est fréquent. Alors, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est que cet objet plus fréquent que les autres peut servir d'unité de valeur, peut servir d'unité de monnaie, juste de ce seul fait qu'on décide que tel objet plus fréquent que les autres peut servir de valeur monétaire, ça change complètement, ça fait basculer le système de l'objet partiel vers le phallus. Pourquoi ? Parce que là, on a un objet qui sont les coquillages, ou qui sont les paniers, ou qui sont l'animal totémique, qui va servir d'unité de valeur à tous les autres. Tu vois? Et tous les autres objets vont humblement considérer cet objet comme leur dieu ou leur roi. Et voilà notre système qui a été complètement bouleversé par le seul fait qu'il y a un objet quelque part qui est plus fréquent que les autres. Vous voyez ? Alors, quel est l'intérêt de l'opération ? C'est que ça facilite énormément les échanges. Hein? Quand j'offre quelque chose, un objet à quelqu'un, j'ai plus besoin de me demander s'il a apprécié le cadeau que je lui ai offert, s'il a estimé à sa juste valeur, s'il m'aime et s'il va vouloir me le rendre à un moment donné, ou s'il va préférer le donner à quelqu'un d'autre, ce qui va me faire de la peine, ou si, etc., etc., etc. Tout ça, ça s'envole. Pourquoi ? Parce que quand je lui donne l'objet, je sais que cet objet, il a déjà été échangé auparavant contre un panier, ou deux paniers, ou trois paniers, et donc, je sais que mon objet vaut trois paniers, je sais que l'autre aussi, il sait que mon objet il vaut trois paniers, et je pourrais lui rappeler le lendemain, tu te rappelles, trois paniers, tu sais. Donc ça change complètement la structure des échanges entre les gens. Et ça décomplexifie la situation beaucoup. Et bon, donc les gens vont être portés à utiliser ce système de plus en plus souvent. Voilà. Alors, c'est après tout une façon naturelle de faire les choses. Je n'ai pas forcé la note là en disant il y a un objet qui est plus fréquent que d'autres. Ça arrive très souvent. Là, donc, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on change d'un système qui est obligatoirement à 3 à un système qui peut fonctionner à 2. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas d'unité monétaire, je donne quelque chose à quelqu'un, il faut que ça se sache. Il faut que quelqu'un soit témoin de ce que j'ai donné. Il faut que cette troisième personne donne une idée de la valeur de ce don que j'ai fait. Donc, je ne peux pas me fier au fait que je l'ai donné à quelqu'un. Si je suis tout seul avec cette personne, puis que je lui donne la chose, ça ne peut pas marcher. Là. Il faut vraiment qu'il y ait un témoin. Il faut qu'il y ait un... Mais il peut se faire avoir, puis... S'il n'y a personne d'autre, il peut se faire avoir, mais... Voilà, c'est ça. Il peut avoir un échange quand même, mais qui n'est pas de même niveau. S'il y a un échange... Comme les échanges entre des enfants. Voilà, je mais là... Je te donne mon iPod pour trois cartes de hockey. C'est ça. Mm-hmm. Et ça, c'est quand il y a des échanges. Mais là, on est dans... Quand il n'y a pas d'unité monétaire... On n'est pas dans l'échange, on est dans le don et le contre-don. On peut pas, il n'y a pas de phénomène d'échange. Alors quand on est dans le don, puis qu'on donne quelque chose à quelqu'un sans témoin, le don peut disparaître et puis c'est fini. Il faut vraiment qu'il y ait un témoin. Donc quand il y a un don et un contre-don, il faut obligatoirement qu'il y ait trois personnes. Que ce soit une échange triadique. Alors que quand il y a une unité monétaire, je te donne quelque chose et tu me donnes l'équivalent en panier ou en coquillage ou, qui va témoigner de ce que je t'ai donné la chose. Ça, c'est la troisième personne. Ben, c'est ça. Le témoin, maintenant, ce n'est plus une personne, c'est le phallus. C'est l'unité monétaire qui devient le témoin. Mais il y a eu des sociétés d'objets partiels, il y a eu des sociétés avant cet passage naturel au phallus, il y a eu quand même un fonctionnement des sociétés dans l'objet partiel. Mais oui, il y a même... Où il y a les dons, les retours de dons. Il y a des sociétés qui fonctionnent partiellement comme ça et partiellement comme ça. C'est-à-dire pour les affaires familiales, par exemple, on est dans le don et le contre-don. Et dans les affaires commerciales, on est dans les échanges commerciaux. Tu vois, et même les individus qui fonctionnent comme ça, je veux dire... dans les affaires sexuelles, ils sont dans le don et le contre-don. Dans les affaires de la procréation, ils sont dans le don et le contre-don. Les affaires affectives, etc. Mais ailleurs, ils sont dans l'échange avec équivalent monétaire. C'est à quelle étape qu'une fois que le don, pas le don, mais l'échange de monnaie, on peut dire, est arrivé, qu'il y a une autre étape de dire ben, tout ce qu'on s'échange comme monnaie, on l'envoie de toute façon à un tiers gouvernemental qui va tout gérer. C'est ça, ouais. Ben, c'est-à-dire que ce système-là, je dirais que le tiers est depuis longtemps disparu, en fait, parce que... La présence du gouvernement ne joue pas vraiment un rôle de tiers, ou modérément, parce qu'il s'agit d'échanges bidirectionnels sur lesquels le gouvernement vient prélever quelque chose. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas... Le gouvernement ne joue pas directement un rôle dans la transaction. Peut-être quand il sécurise certaines transactions. Il y a des fois, le gouvernement sécurise les transactions. Est-ce que je demande ça, parce que peut-être ça dépend ce que vous voulez dire, mais on le voit des fois aujourd'hui, quand il y a des transactions qui commencent à se faire entre gens hors gouvernement, il y a de la pression pour que le gouvernement, quand même, soit présent dans la transaction. Les gens disent il ne faut pas que ça se passe sans taxes, quand même. Là, il faut que... C'est ça, comme dans le bâtiment, comme... les femmes de ménage. Les femmes de ménage, non, on ne paye pas. Les taxis qu'on voit, tu sais. Les taxis Uber. Il ne faut pas que ça se passe entre du monde qui s'échange la monnaie sans présence de... Sans compter que des fois, si le gouvernement n'est pas là et qu'il y a un problème dans la transaction, il n'y a pas de protection. Bah, c'est ce qu'ils soutiennent pour justifier. C'est ça. Mais bon, ça, on est rendu plus avancé là-dedans. Là, c'est autre chose. Mais on peut dire, si vous voulez, que il y a un triangle. Et comme je le comprends, dans ce triangle-là, il y a une partie qui prend le dessus sur les autres. C'est une des branches du triangle qui met en rapport deux partenaires et qui se coupe de l'échange triangulaire pour s'installer dans un échange binaire. Au fond, c'est un peu ça qui se passe. Au niveau philosophique, ça se passe comme ça, je veux dire. Mais là, je ne veux pas rentrer dans la philosophie, c'est pas le moment. C'est la modernité qui a introduit l'échange binaire comme étant prévalent sur l'échange triangulaire. Mais l'échange triangulaire continue d'exister, là, c'est pas qu'il... C'est pour ça que vous faites un triangle encore. Ouais, c'est ça, c'est... Il y a des sociétés qui ont gardé le triangle, même si elles privilégient la dualité, comme les musulmans, les orthodoxes, peut-être les asiatiques, mais je les connais moins bien. Mais en tout cas, les musulmans et les orthodoxes sont des gens qui ont gardé le triangle, même s'ils favorisent à l'occasion le fait binaire. Alors qu'en Occident blanc, là, occidental, là, c'est vraiment la coupure. On a coupé à la hache tous les liens avec la ternarité. Et on privilégie le lien avec le lien binaire entre l'humain et Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui devient... Mais Jésus-Christ s'incarne dans de multiples choses. Hein. Mais le lien binaire, c'est Jésus-Christ qui exclut Dieu, qui prend la place de Dieu. Chez les orthodoxes, non, pardon, chez les occidentaux de l'Ouest, c'est Jésus-Christ qui prend la place de Dieu. Et pour les orthodoxes, Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, mais c'est pas Dieu, c'est ça? Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, il est Dieu, mais le Saint-Esprit vient de Dieu, mais ne vient pas de Jésus-Christ. Ah, okay. C'est ça la nuance. Alors donc, que les catholiques, le Saint-Esprit vient de Jésus-Christ. Vient de Jésus-Christ et de Dieu. Ah, des deux. Des deux. Donc, pour les catholiques, Dieu et Jésus-Christ, c'est la même chose, mais en réalité, c'est Jésus-Christ qui a pris la place. Là. Et Dieu, on n'en parle quasiment pas. Puis quand on est enfant et qu'on dessine Dieu dans nos cahiers, il ressemble toujours à Jésus. Oui, c'est ça. Donc c'est dire que et Descartes a consacré le phénomène aussi, hein, en disant tout ce qui est douteux, on l'écarte, il n'y a que les choses certaines, les choses que je vois dans un rapport duel de vision, de conscience, ou la certitude. Donc voilà, si vous voulez, le pont que je fais entre l'objet partiel et le phallus, ça a été pour moi l'unité monétaire. Bon, c'est une unité qui peut être de n'importe quelle nature, là, pas nécessairement monétaire. comme comme l'animal totémique. L'animal totémique, c'est une unité de valeur, mais ce n'est pas une unité de valeur monétaire à proprement parler. C'est une unité... L'animal totémique, on se le donne les uns les autres pour démontrer de l'estime ou démontrer de l'honneur ou démontrer... Mais pas forcément un échange de marchandises, là, c'est pas... Bon. Voilà, l'épisode de passage par ce matin est terminé.